Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. C'est le dernier chevalier punk, le Don Quichotte du cinéma de science-fiction français. Depuis plus de 30 ans maintenant, Marc Caro se bat sur tous les fronts. De ses bandes dessinées pour Métal Hurlant au court-métrage d'animation des débuts, à sa rencontre avec Jean-Pierre Junet qui verra se déployer cet univers rétro-futuriste, anarcho, onirique et mélancolique dans deux longs métrages. À la tentative, pas vraiment aboutie, de développer un véritable film de science-fiction d'auteur écrit avec Pierre Bordage, rien à redire, Marc Caro est un chevalier punk de la SF et il n'a pas fini d'essayer d'abattre des moulins cybernétiques. Marc Caro, la SF envers et contre tous, c'est le programme des enfants perdus qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Marc Caro, que nous avons eu la chance de rencontrer à l'occasion du dernier festival international du film fantastique de Gérard May, où il faisait partie de la vingtaine de réalisateurs de films fantastiques français réunis à l'occasion de cette 27e édition. Mais avant de retrouver l'enfant punk terrible de la SF française, je vous laisse en compagnie des deux enfants punk terribles de l'actualité scientifique. C'est Natacha Triou et Antoine Beauchamp pour le Journal des Sciences et de la SF. Et on commence avec le premier sujet de ce journal, la planète Terre a une nouvelle lune. Oui, une mini-lune qui orbite autour de la Terre. Le 15 février, les astronomes du Catalina Sky Survey en Arizona ont détecté cet objet. Mardi, le centre des planètes mineures a confirmé cette découverte. L'objet a été baptisé 2020 CD3. Il est peu lumineux et il mesure environ 2 mètres de diamètre. Une mini-lune grosse comme une voiture. Selon les chercheurs, il s'agit d'un astéroïde qui a été capturé par la gravité de notre planète lors de son passage. Et il orbiterait autour du système Terre-Lune depuis 3 ans. Il fait le tour de notre planète en 47 jours sur une large orbite de forme ovale. Ce n'est pas la première fois que ce phénomène se produit. En 2006, un astéroïde de 4 mètres de large est resté en orbite du système Terre-Lune avant de s'en échapper en 2007. Ce sont des phénomènes temporaires. Les jours de notre nouvelle mini-lune sont donc comptés. Maud Langlois est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille au CRAL, le centre de recherche astrophysique de Lyon. J'ai regardé un petit peu les statistiques, ça arrive quand même de temps en temps. C'est difficile de prédire, mais il y a des plus petits objets qu'on ne voit pas. Et du coup, même sans le savoir, ça arrive après. Là, ces petits objets dont on parle, en fait, ils vont soit s'auto-détruire sur la Terre, soit être éjectés à nouveau dans l'espace, en fait, après être capturés, mais après des périodes qui sont pas forcément très longues. Et on est capable, en le suivant à différentes périodes, d'estimer son orbite. Quelle est son orbite ? Après, ça s'est associé finalement l'orbite et la prédiction qu'on peut faire pour savoir de combien de temps il va rester autour de notre Terre, ça dépend de la gravitation du système Terre-Lune et même au-delà. Et là, on peut aussi faire des calculs pour estimer son orbite. Sinon, on connaît juste donc sa trajectoire et on voit qu'il est pas très brillant dans le ciel, donc c'était une magnitude autour de 20. Et sa brillance, là, elle est vue, c'est juste la lumière du soleil qui se réfléchit sur lui et qui nous revient. Donc comme cette lumière, elle est assez faible, on comprend bien qu'il est très petit, en fait. Au moment où nous parlons, cette mini-lune est déjà en train de s'éloigner du système Terre-Lune, hein, si je comprends bien. Elle est encore en orbite autour du système Terre-Lune. Et après, comme il y a la Lune aussi qui perturbe l'orbite, finalement, l'orbite, elle va finir par être éjectée. Mais ça, c'était plutôt prévu d'après les calculs autour d'avril, il me semble. Et dans le Journal des Sciences, cette semaine, nous avons parlé de la découverte du plus ancien métissage humain, des premiers résultats de la mission InSight sur Mars, d'un nouvel antibiotique créé avec l'aide d'une intelligence artificielle et en physique fondamentale de l'observation d'un nouvel état de la lumière. Mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, en ultra bref. Cette semaine, les scientifiques ont percé le mystère de la migration des baleines. Ce serait pour maintenir une peau saine. Les baleines à bosse, comme les cachalots et les orques, parcourent jusqu'à 18 000 km chaque année et naviguent entre des eaux polaires et des eaux tropicales. Les chercheurs ont découvert que ces différences de température leur permettent de muer. Régénérer les cellules de la peau fait partie des besoins physiologiques importants. La mue est une défense de première ligne contre les maladies et les bactéries. Une nouvelle espèce de loup a été découverte en Himalaya. Les loups du Népal et des hauts plateaux tibétains se sont différenciés des loups gris et se sont adaptés génétiquement pour vivre en haute altitude. Une mutation génétique pour survivre au manque d'oxygène. Considérée comme un nuisible dans la région, cette espèce est en danger critique d'extinction. Et enfin, la découverte cette semaine dans le nord de la Chine de Proterocladus anticus, un fossile d'algue verte vieux d'un milliard d'années. C'est le fossile végétal le plus ancien à ce jour. Le spécimen est très similaire aux algues contemporaines. Elle pourrait être l'ancêtre commun de toutes les plantes vertes apparues 500 millions d'années plus tard. On passe à présent au journal de la science-fiction. Selon un article paru dans The Conversation, il serait facile de pirater les satellites de la constellation Starlink de SpaceX. Et plus de 200 satellites de SpaceX orbitent autour de notre planète et la compagnie d'Elon Musk prévoit d'en envoyer 42 000 au cours de la prochaine décennie. Une méga constellation pour fournir un accès Internet partout dans le monde. La particularité de ces petits CubeSats, c'est qu'ils sont peu coûteux. Ils sont fabriqués avec des technologies standards et de nombreux composants utilisent l'open source. Dans cet article, le chercheur souligne les failles et les vulnérabilités de ces systèmes. Selon lui, il manque des normes et des réglementations en matière de cybersécurité pour les satellites commerciaux. Il rappelle que dans le passé, des satellites ont déjà été hackés et il craint que ceux de SpaceX puissent l'être facilement. De plus, les CubeSats sont équipés de propulseurs pour être pilotés à distance. Ils pourraient donc être détournés pour servir d'armes ou de projectiles. Quelles sont donc les normes et les limites de la cybersécurité de l'Internet de l'espace ? Martin Dieter est responsable du Centre de la sécurité de l'Agence spatiale européenne. Chaque système aujourd'hui se veut rapide sur le marché. Chaque système gagne au niveau de sa rentabilité en utilisant des composantes moins chères. L'article se base surtout sur une absence de régulation. Je pense que c'est un des arguments les plus importants. Mais certes, il n'y a peut-être pas un règlement international sur la cybersécurité dans l'espace. Toujours est-il que la cybersécurité, finalement, c'est des éléments de la sécurité informatique, on peut dire, des réseaux, des échanges de données, des implémentations informatiques et de la protection des données. Et avec cela, on capte une bonne partie du sujet. Donc il n'y a pas vacuum par rapport à un règlement. Et des systèmes de cryptage des liens, des systèmes de liens entre stations et satellites uniquement là où ce lien est prévu, parce que c'est là où les stations sont placées. Tout ce genre de protection sont en place pour éviter que, tout simplement, quelqu'un plante une antenne dans son jardin et commence à communiquer. Maintenant, un système peut toujours être hacké. Le système infaillible n'existe pas. Le satellite, déjà, en soi, est un système informatique volant. Nous, de notre côté, on met en place un système d'appréciation de risques et des menaces, et ça comprend le lien entre le sol et le satellite et l'inverse. Ça comprend ce qu'on appelle la supply chain, donc la providence et le contrôle des composants utilisés dans les systèmes. Ensuite, tout système reste vulnérable. En bref, la réserve mondiale de semences du Svalbard, l'arche de Noé végétale en Arctique, a enrichi ses fonds de réserve. Et on parle aussi d'une voûte apocalyptique. Cette chambre forte enfouie dans une montagne norvégienne a été construite en 2008 et elle préserve des centaines de semences d'espèces végétales à travers le monde. Le but est de conserver, à moins 18 degrés, des échantillons de plantes menacées d'extinction. La réserve vient de recevoir plus de 60 000 échantillons de semences qui proviennent du monde entier. Des graines d'oignons du Brésil, des haricots de Guadeloupe, d'Asie centrale et des fleurs sauvages britanniques, par exemple. Le grenier conserve désormais plus d'un million de variétés végétales. Côté fiction, le tournage de Jurassic World 3 a commencé. Le réalisateur Colin Trevorrow a également annoncé le titre de ce troisième et ultime volet, Dominion, Domination en français. On ne sait pas grand-chose du blockbuster, excepté son casting, Chris Pratt, mais aussi tous les acteurs de Jurassic Park d'origine sont à nouveau réunis. Omar Sy revient également dans la franchise et on connaît également sa date de sortie en France, le 9 juin 2021. Et enfin, en bref, Disney lance une nouvelle saga littéraire, Star Wars. Une série de romans et de comics chez Marvel qui s'intitule The High Republic. L'univers de cette saga se déroule 200 ans dans le passé, avant l'ère Skywalker et les événements de la menace fantôme. Cette série s'intéressera en particulier à l'âge d'or de la République et à ses Jedi. Le premier volume, Light of the Jedi, sortira en août. Et pour ce qui est de l'avenir de Star Wars sur les écrans, au total, 5 films seraient désormais en projet. Et comme chaque vendredi, on termine ce journal avec la rubrique des sciences improbables. Aujourd'hui, selon une étude parue dans The Royal Society Publishing, les vaches aussi traversent des crises d'adolescence. Et les chercheurs canadiens se sont intéressés à la puberté des vaches et leur ont fait passer des tests de personnalité à différentes étapes de leur vie. Alors des tests de personnalité pour bovins, cela consiste à réunir des vaches dans une arène et à observer comment elles réagissent face à des objets nouveaux ou comment elles se comportent quand elles sont seules. Les chercheurs constatent qu'à l'âge de 12 mois, les veaux produisent plus d'hormones et se montrent plus intrépides et plus agressifs. L'étude parle d'instabilité émotionnelle chez le veau. Il se stabilise ensuite à l'âge de 2 ans, l'âge adulte des bovins. Merci beaucoup. Merci. À lundi. Bonjour Marc Caro. Bonjour la méthode scientifique. Nous sommes absolument ravis de vous recevoir ici depuis le Festival du film fantastique de Gérard Armé. Nous allons revenir avec vous, bien sûr, sur votre foisonnante carrière qui va de la bande dessinée au cinéma en passant par la musique, l'animation, l'écriture, l'informatique, des expositions et j'en passe. On va essayer de parler de tout ça, de votre rapport à l'imaginaire en général et bien sûr à la science-fiction en particulier. Mais pour commencer, Marc Caro, l'épreuve de la citation qui tue. On aime bien retrouver des anciennes interviews. À propos de vos nombreux projets en suspens, commencés mais pas toujours conclus, vous disiez « j'aime bien chercher, mais peut-être que trouver ne m'intéresse pas tant que ça ». Commentaire libre. En tout cas, je ne sais pas, mais ça se confirme. Donc, c'est ça la méthode scientifique. Hein. C'est ça, faut chercher. Peut-être c'est le chemin qui est intéressant. Dans la même interview, vous dites de pas mal de vos projets en fait vont trop loin. Vous dites j'aime beaucoup les choses qui vont assez loin du réel. Parfois, tu sais qu'en faisant des concessions, tu pourrais réussir à faire aboutir le truc, mais ça impliquerait ne pas vraiment faire ce que tu as envie de faire. Ça veut dire qu'il faut poser des limites aux pressions extérieures, à la production, qu'il y a finalement peut-être pas assez d'ambition de ce côté-là pour pouvoir vous accompagner dans ce que vous aimeriez faire. Le problème, c'est qu'il y a des contingences économiques qui ne sont pas très importante pour moi et c'est vrai que j'aurais peut-être l'impression de me trahir si je poussais pas jusqu'au bout le projet. C'est vrai que moi j'ai besoin, c'est pour ça que j'en fais très rarement, c'est que j'ai besoin d'être complètement, ça devient obsessionnel à bout d'un moment. Je le fantasme certainement et j'essaie de le poser dans ces retranchements les plus extrêmes. Et après, bah, j'aimerais trouver les personnes qui ont envie d'aller aussi loin que moi au niveau de la concrétisation. Vous diriez que la production, notamment cinématographique française, est trop frileuse par rapport au genre de l'imaginaire en général ? Je pense qu'elle est, elle est dans des structures où elle n'a pas beaucoup de choix, elle non plus. Il y a un phénomène très important, c'est le financement. Et le financement est très frileux et c'est un genre de prise de risque, c'est même plus zéro, c'est même moins que ça. Donc ça génère pas des choix qui prennent des risques. Donc au niveau cinématographique, on est quand même tout le temps en train de juste refaire ce qui vient de marcher. Donc à un moment, c'est des potentiels qui disparaissent et c'est un travail sur le long terme qui n'existe plus. Là, on est quand même vraiment au coup à coup. Il y a ça qui marche, on va là. Il y a ça qui marche, on va là. Il n'y a pas de vision. C'est ça qui nous manque. Hein. Il y a besoin d'avoir des visionnaires, quoi. Comment est-ce que vous expliqueriez à votre façon ce paradoxe français qui fait que aujourd'hui l'entertainment est dominé par un imaginaire notamment de science-fiction et que pourtant en France en 2020 c'est quasiment impossible de produire de la science-fiction au cinéma? Alors j'ai pas trouvé l'explication de ce paradoxe. C'est pas moi qui voudrais demander, à vrai dire, ce serait à la Gaumont, à UGC, à tous ces gens-là, pourquoi ils y vont pas. Ça, je peux pas vous dire, je peux pas répondre à leur place. Il y a pas de volonté quand même. C'est peut-être ça, moi, je ressens. C'est qu'il y a pas de volonté d'exportation. Et on s'est pas rendu compte que il y a quand même quelque chose qui s'est produit plusieurs fois en Italie, en Espagne, au Japon, où des choses qui étaient quand même très locales ont pu devenir des standards mondiaux. Et je crois qu'on a ce potentiel-là. On l'a eu peut-être un petit peu avec la nouvelle vague, mais on a un potentiel au niveau artistique quand même de science-fiction avec Métal Hurlant, avec des choses comme ça, qui ont quand même été bien réutilisé dans toute la cinématographie hollywoodienne. Et en France, on n'en a jamais rien fait. Il y a eu des petits trucs un peu par-ci, par-là, mais ça n'a jamais été quelque chose. On n'a pas construit, comme ont pu le faire les Italiens, revendre du western spaghetti aux mecs qui ont fabriqué les westerns. C'est quand même génial. C'est qu'après les films de Sergio Leone, il n'y avait plus un film américain qui n'était pas un western spaghetti. J'ai trouvé ça quand même absolument époustouflant. Vous regardez tout le cinéma de Hong Kong avec les combats de kung-fu comme ça. Maintenant, vous n'avez pas un seul film qui ne fait pas référence à une baston au kung-fu. Donc, dans tout le cinéma hollywoodien, il y a de temps en temps des choses qui me semblent tellement naturel, l'animation japonaise, c'est ça. Ah ben, on peut pas faire du Walt Disney, ça coûte trop cher, tatata. Bon, on va faire juste cligner un peu les yeux, puis deux trois mèches qui vont s'animer pour Albator, pour je sais pas qui, et on construit toute une cinématographie avec ce qu'on n'a pas. Et je trouve ça formidable. Et après, maintenant, tout l'imaginaire un peu contre-culturel des mômes, c'est quand même asiatique. Bon, moi, il y a des petits trucs quand même qui me rendent quand même un peu optimiste. C'est que je vois qu'on est, par exemple, peut-être très loin après Pixar, Disney et compagnie, et après les Japonais, mais l'animation française est en train d'exister avec Oslo, la Guillonie, les triplettes de Belleville et des choses comme ça, qui sont exportables et qui, en même temps, sont considérées comme françaises un peu. Enfin, il y a un esprit, un état d'esprit différent des films américains. Et moi, je suis pas contre Disney, je suis contre personne, je suis pas contre les comédies à la française et tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse pas. Mais s'il y a des gens à qui ça plaît, ça me pose pas de problème. Le problème que j'ai, c'est le manque de diversité. Moi, je suis pour la biodiversité artistique. C'est ça qui manque. Moi, je trouve ça dingue, quand même, que on avait un cinéma, mais absolument extraordinaire, qui était le cinéma italien, où ça allait de Dino Risi, Visconti, Fellini, et Sergio Leone, et Riccardo Freda, et patati tata, et en 10 ans, il n'y a plus personne. C'est quand même dingue, hein, que pour avoir juste une berlusconisation du cinéma italien. On en arrive un peu là, il n'y a pas grand choix quand même. Marc Caro est notre invité depuis le festival du film fantastique de Gérardmer. Alors Marc Caro, on va rembobiner la machine, on va prendre la machine à remonter le temps, on pourrait même dire qu'on fait remonter le compteur, pour faire une référence à un film dont on va parler dans quelques minutes. Vous êtes né le 2 avril 1956 à Nantes, dans une famille de... Il faut pas le dire. Dans une famille de forains, c'est intéressant. On va en reparler parce que ça a évidemment marqué votre imaginaire. Mais la question que je voulais vous poser, Marc Caro, c'est quoi votre image fondatrice, le premier souvenir marquant, une image, ça peut être une image littéraire, hein, mais qui liée à votre enfance d'un univers de l'imaginaire qui vous a marqué et qui a ensuite été une graine pour la suite du développement de votre carrière. Oh, il y en a plein, il y en a quand même un sacré paquet. Bon, c'est vrai que c'est assez noir et blanc. Il y a quand même tous les burlesques, tout le cinéma comme ça. Il y a un côté très, comment ça s'appelle, lanterne magique. Il y a forcément les baraques foraines, les trains fantômes, les autotamponneuses, enfin tout un côté forain comme ça. Et puis après, il y a très très vite tout ce qui est un peu graphique, parce que c'est vrai que Moi, j'ai eu une genre de boulimie visuelle comme ça, les bandes dessinées, les illustrés, on appelait ça comme ça à l'époque, le dessin animé. Alors, il y a des choses comme ça qui réapparaissent, mais je pourrais pas dire que c'est la plus marquante de ce que j'ai fait. C'est que ça m'est arrivé après La Cité des Enfants Perdus de revoir qu'il y avait des choses que j'avais vues quand j'étais môme, dont un Walt Disney, dans Pinocchio, et qui ressurgissent comme ça, au détour d'un plan, et je dis, ah, oh, ça vient de là, et donc c'est des surprises, même pour moi. Hein. C'est vrai qu'il y a des choses, alors peut-être un peu plus tardives et tout ça, mais c'est vrai que, bon, un des grands, c'est pour ça, c'est peut-être ça qui a généré mon intérêt pour la science-fiction, un, que je suis né à Nantes quand même, pays de Jules Verne, et puis deux, toutes les vieilles illustrations, que ce soit Doré ou celle d'Hetzel pour les bouquins de Jules Verne, et puis après 2001, hein, quand même, moi c'est vrai que je suis d'une époque où il y a une petite bascule qui s'est faite, où le héros a changé de look. Avant c'était un peu le cow-boy ou l'explorateur dans la jungle et tout ça, et puis moi ça a été l'explorateur spatial, le cosmonaute, hein, c'est vrai, Yuri Gagarin, et puis après des mecs qui marchent là-haut, hein, sur notre petit satellite, quoi. Et votre rapport à la science, vous le définiriez comment? Vous étiez curieux justement un peu de la découverte, des avancées scientifiques, de certains champs particuliers de la science? Un de mes personnages préférés dans la bande dessinée, c'était le professeur Tournesol et tout ça. Donc un peu le savant fou. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Et puis bon, bah très vite, c'est vrai que j'ai commencé à lire beaucoup tous les classiques de la SF, hein, Asimov, Heinlein, Van Vogt et compagnie. Et puis après, j'ai suivi le courant avec Spinrad, Philippe K. Dick et Ballard et compagnie. Hein, oui. Vous disiez à propos de la science, j'ai beaucoup aimé tout ce qui a trait à la théorie du chaos. Tout à fait. Je suis fasciné pour... Il y a un truc qui m'intéresse, mais c'est aussi ça qui m'intéresse dans les images fractales, dans tout ce qui est itératif. C'est vrai que j'ai lu un bouquin de Douglas Hofstadter qui traite vraiment assez bien de tous ces phénomènes, où à partir de très très peu de paramètres, on peut générer une complexité très incroyable. Je trouve que ça participe pour moi du même phénomène qui m'a fasciné dans le taoïsme, où à partir de rien, du où, il y a deux principes qui se mettent en place, le yin et le yang, et à partir de ça, ça génère tous les possibles. Et je trouve qu'on retrouve, et c'est pour ça que je suis intéressé par le taoïsme, parce que je trouve qu'il y a une méthode scientifique là derrière. Et ce genre de truc où à partir de très très peu de paramètres, on peut générer une infinité, une complexité incroyable qu'on retrouve dans la nature, dans la physique. Il y a quand même, il n'y a pas 20 000 principes de base, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Ça, pour moi, c'est le cinéma du réel. Vous disiez sur vos inspirations, vous parlez beaucoup de votre dette et de votre fascination pour Méliès. Qu'est-ce qui vous intéresse chez Méliès? Parce qu'on en discutait un peu avant l'émission, vous dites il y a une sorte de malentendu sur Méliès, on dit que Méliès est un art forain, or pas du tout. Méliès, c'est un curieux aussi déjà, c'était... Et il n'était pas forain. Méliès, il a racheté le théâtre Eugène Robert Houdin, et c'était un magicien, un prestidigitateur, un magicien blanc, et donc qui a mis au point, qui a réutilisé tout ce qu'avait déjà développé Houdin, avec les miroirs, tout ce qui était les lanternes magiques, etc. Et quand il a vu cet outil, il s'est dit, mais putain, c'est dingue, c'est celui que j'attendais depuis une éternité. Il s'en est emparé, et là, il a pu poursuivre toutes ses visions. Là aussi, c'est un truc de visionnaire. Ce qui est assez dingue, c'est que à des époques comme ça, où c'est un peu des époques de pionniers, vous vous apercevez que c'est une personne qui déplaît le terrain, mais il fait tout. C'est le premier à avoir fait des storyboards. Il dessinait chacun de ses plans. Le cinéma de décor, il y a beaucoup de choses, des effets spéciaux. Donc presque tous les effets spéciaux qu'on utilise encore, ils sont issus de ses découvertes. Hein. Et c'était pareil, par exemple, pour Émile Cole, qui a été le premier à faire un film d'animation comme ça. Après, il a fait, je crois, du pixelé, des marionnettes animées. Enfin, il y a un moment, le terrain est tellement vide qu'ils explorent tout. Et c'est ce côté explorateur d'un champ comme ça des possibles qui, moi, me fascine à chaque fois. C'est pour ça que là, Moi, je suis plutôt quand même, même si j'ai des petits doutes au niveau des possibilités qu'on peut d'expérimentation et d'exploration dans le cinéma tel qu'il est dans le contexte actuel, on a quand même là à portée de main aussi des outils qui permettent des choses absolument incroyables où on va pouvoir aller explorer d'autres espaces. Tout ce qui est le cinéma immersif 360 ou VR. Alexandre va faire un projet avec de l'interactivité. Alexandre Aja. Voilà, Alexandre Aja va faire un projet avec de l'interactivité où on pourra choisir un peu ce qui se passe et tout ça. Je trouve qu'on a des outils qui n'étaient pas disponibles. Et là, on commence à pouvoir se les approprier. C'est ça qui est passionnant. Dans les inspirations que vous citez, j'aime bien parce que c'est assez atypique. Vous parlez de deux films qui vous ont marqué. Le premier film de George Lucas, THX 1138, et Rollerball aussi de Norman Jewison. Pourquoi ces deux films? Alors, Rollerball, parce que je trouve que c'est d'une actualité encore dingue, et qu'il avait anticipé, mais c'est ça, on en discutait hier aussi de ça, que les grands auteurs, comme ça, que ce soit cinéastes ou écrivains, ont des visions et anticipent des choses qui vont exister plus tard. Philippe K. Dick, Spinrad, etc., ont déjà écrit il y a 20 ans, mais il y a même d'autres auteurs, hein, bien sûr. Et là, il avait déjà imaginé que ce seraient des gros consortiums industriels. Un s'occuperait du loisir, l'autre s'occuperait de la nourriture, l'autre de l'énergie ou des choses comme ça. On y va quand même lentement mais sûrement. Et que pour faire passer le temps, ben on reviendrait à des bonnes vieilles recettes qui étaient déjà là sous l'Empire romain. Allez, on met des gens dans une arène et ils se tapent dessus et tout le monde est content. Et THX, je trouve que c'est un film abstrait au niveau, il a anticipé tout le son électronique, toute la technologie est là, et même là aussi encore des anticipations. Je me rappelle que dans THX 1138, ils arrêtent la poursuite parce que ça coûte trop cher. On est en plein là-dedans, quoi. Donc, non, il y a un autre film. Alors, bon, il y a 2001 forcément, oui. Et puis il y a un autre. C'est un court métrage qui m'a vraiment énormément marqué. C'est un film qui s'appelle Tango de Zbigniew Rybinski, qui est un film en boucle comme ça, qui c'est la première fois que je voyais des principes mathématiques appliqués à une histoire et qui fonctionnait, parce que moi je suis un grand fan de Raymond Roussel, de ses emboîtements d'histoire et tout ça, et là je trouvais presque ça visualisé dans un film, et un peu ce côté aussi Escher et compagnie, quoi. Vous parliez, Marc Caro, des arpenteurs. Vous-même, vous avez effectivement un parcours qui commence, avant d'arriver au cinéma, qui commence par la bande dessinée. Vous avez, qu'est-ce que vous avez commencé à dessiner? Quand est-ce que vous avez commencé à dessiner? Oh ben, je m'en rappelle plus. Je crois que dès que j'ai pu sauter et scier les barreaux de mon berceau, j'ai dû aller voler un dessin pour dessiner sur le mur. Mais non. Mais après, j'ai dessiné Mickey, Spirou, Tintin. Mais j'ai toujours eu ce truc-là, c'est que bon, c'est mon outil de base, mais après il y a toujours eu un manque. Ce serait bien si ça bougeait. Donc je me suis mis à faire du film d'animation. Puis c'est pas mal le film d'animation, mais ce sera en volume et tout, ce serait mieux. Donc avec Jean-Pierre d'ailleurs, on a fait des films de marionnettes. Et puis c'est pas mal les marionnettes, mais avec des acteurs, ce serait tellement mieux. Bah, tu vois, c'est presque un processus où à chaque fois, j'essaye de grappiller comme ça un petit peu des espaces. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire les choses. Moi, c'est pour ça moi, j'étais très heureux de faire le bunker, parce qu'on a tout fait, même le montage négatif et tout. Il y a un côté comme ça très artisanal que je tiens à préserver, quoi. On va parler évidemment du bunker de la dernière rafale. Peut-être juste un mot quand même encore sur la bande dessinée, parce que vous avez fait partie de la grande aventure Métal Hurlant. On en a très beaucoup parlé à ce festival de Gérard Armé, parce que ça a été une vraie réussite française qui a essaimé à l'international un imaginaire BDesque français très puissant, et qui paradoxalement s'est très peu incarné, très peu débouché sur des adaptations en France. Mais racontez-nous un peu justement cet esprit Métal Hurlant. Comment est-ce que vous qu'est-ce que vous y avez apporté et comment ça vous a marqué? Oh ben moi je sais pas si j'ai apporté grand chose à Métal Hurlant. Métal Hurlant, pour moi, c'était un peu le Graal. C'était la revue dont je rêvais d'être publié là-dedans. Donc, je l'achetais. J'étais lecteur de métal hurlant. Et puis à un moment, je suis arrivé à Paris, j'ai été présenté, grâce à Jacques Tardy, j'ai pu présenter mes petits dessins à Jean-Pierre Dionnet, qui m'a accepté dans l'aventure, et j'ai commencé à publier dans Métal Hurlant. J'étais pas peu fier, hein. Donc voilà, c'est, et après j'ai participé un peu à la deuxième génération de Métal Hurlant. La première, c'était vraiment il y avait Moebius, Druillet, Dionnet, enfin c'était un petit groupe comme ça. Et puis après, ça s'est un peu agrandi avec l'arrivée des plus jeunes, quoi, Marjorin, Denis Cyr, Serge Clair, etc. Et puis moi, un peu plus rock'n'roll, quoi, ça correspondait un peu à la mouvement punk, un peu tout ça. Ce qui m'a vraiment plu, c'est ce truc de défendre les choses qu'il aimait. Ça, c'est un peu perdu, ce truc-là, hein, de se battre corps et ongles pour ce qu'on aime. Et Dionnet, il a ce truc-là. C'est des passeurs. C'est à travers la bande dessinée que vous avez rencontré quelqu'un qu'on oublie un peu trop souvent et dont il faut parler, puisque c'est une rencontre et une collaboration importante, c'est Gilles Adrien. Alors Gilles Adrien, oui, on s'est rencontrés quand je suis arrivé à Paris, et on a fait des petits trucs ensemble au niveau de la bande dessinée. Et puis très vite, il nous a rejoint sur le Bunker, hein, pour l'écriture du scénario. Puis après les autres films qu'on a fait avec Jean-Pierre. Ouais. Et Jean-Pierre, d'ailleurs, Jean-Pierre Jeunet, que vous rencontrez, si j'ai bien tout lu, via votre fanzine, qu'ils appelaient Fantasmagorie, voilà. Et vous en achète un numéro, racontez-nous cette histoire. Voilà, avec un garçon qui s'appelait André Igual, on avait créé la première revue sur le cinéma d'animation en France, hein, ça devait être 74, 60, un truc comme ça, et donc j'étais vendre les exemplaires qu'on avait édités à Annecy, et j'ai rencontré Jean-Pierre et je lui ai vendu un numéro. On est devenus potes, et puis après lui il est venu sur Paris pour travailler dans le cinéma d'animation, et puis moi pour faire de la bande dessinée. On s'est revus, puis on va faire des trucs, et puis donc on a bossé sur ces films de marionnettes, etc. Puis de fil en aiguille, le Bunker, et puis la première écriture de la Cité des Enfants Perdus, puis et voilà, jusqu'à... On va suivre tous ces fils. Effectivement, il faut rappeler qu'avec Jean-Pierre Jeunet, vous gagnez le César du meilleur court-métrage en 1980 pour Le Manège, il y a L'Évasion, et puis comment ça naît, ce projet de court-métrage, Le Bunker de la Dernière Rafale? C'est quoi l'idée de départ? Comment est-ce que vous mettez ça en place? Bon, on avait envie de faire un film. Moi, c'est vrai que ça ressemble assez au BD que je faisais à l'époque, hein, dans Métal Hurlant. C'était très noir, très cold wave. Et il devait y avoir le fait que on pouvait récupérer un décor d'un bunker qui était sous le central téléphonique où avait travaillé Jean-Pierre. Et donc je savais comme son père devait être le directeur de ce central-là, on avait accès à ce truc-là. Donc peut-être ça a servi de motivation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que ce soit un lieu clos. Enfin, tu vois, il y avait tous les trucs comme ça. Comme on connaissait pas d'ingé son et qu'on n'avait pas d'argent vraiment pour faire le truc, donc on l'a fait sans son, tu vois, sans dialogue. Enfin, tu vois, il y avait plein de contingences plutôt budgétaires et financières qui ont un peu modélisé le truc. Et puis en même temps, c'est aussi notre amour d'un cinéma expressionniste. Moi, je passais des heures entières à la Cinémathèque française, la Chaillot, à me bouffer tous les Murnau, les Fritz Lang, etc., hein, Schoenström et compagnie. Et puis l'autre aussi, moi je crois qu'il y a deux films qui ont aussi un peu orienté vers Le Bunker de la Dernière Rafale. Il y a forcément La Jetée, hein, de Chris Marker, parce qu'il n'y avait quand même pas grand chose dans le panorama cinématographique un peu français comme ça, à quoi se raccrocher. Et un autre film de Peter Watkins, La Bombe, des choses comme ça. Ça donne ce gros métrage d'un peu moins d'une demi-heure qui est en noir et blanc, effectivement, sans dialogue, sur lequel, vous le disiez, à Marc Caro, vous avez beaucoup travaillé sur le son. On en écoute un extrait. Voilà, extrait donc de la bande sonore que vous avez composée, bruitiste. Effectivement, on entend des sonorités cold wave, un peu punk. Voilà, et un autre truc aussi, l'animation m'a très vite sensibilisé à la musique expérimentale et concrète, parce que il y a un truc que je me suis aperçu, mais a posteriori, moi j'étais baigné là-dedans. Il y avait le service de la recherche à l'ORTF, dirigé par Pierre Schaeffer. Et toutes les musiques des films d'animation de Piotr Kamler, de Borowczyk, de moi, dont j'étais très très friand à l'époque, Peter Foldes et compagnie, étaient faites par des grands de la musique concrète, par Medjani, etc. Et ça m'a éduqué une oreille. Et puis après, et j'avais lu son petit, il avait écrit un petit bouquin chez Que sais-je sur la musique concrète qui m'a vraiment inspiré beaucoup. Et autre chose, c'était un concert des musiciens de Luigi Russolo, qui avait écrit L'art des bruits. C'est un futuriste italien qui avait écrit un bouquin extraordinaire où il faisait des machines. Ils avaient reconstitué les machines, mais c'était plus des machines qui faisaient du... Il y avait le roucouleur, le blablateur, des sons comme ça. C'est un peu pompé sur les machines pour faire des bruitages dans le théâtre. Comme ça allait dans le sens qu'on voulait mettre un peu dans notre film, cette déshumanisation, le son comme ça, vraiment pur industriel, plus que des mécanismes qui... voilà, ça, je pensais que ça allait bien, quoi. Et c'est vrai que je fais de temps en temps ça, et ça c'est un exercice que j'adore faire, je refais en live la bande-son du Bunker. Donc je passe mon film comme ça, le film qu'on a fait avec Jean-Pierre, et puis je refais le son en direct avec mes petits synthés, mes machins comme ça. Il y a un côté vraiment un retour aux sources du cinématographe là. Quand, avant il faisait ça avec un piano, moi je fais ça avec mes boîtes à ragoût là. Vous dites quelque chose qui forcément fait plaisir pour des gens de radio. Vous dites un film c'est vraiment 50% d'image et 50% de son. Ça, j'en suis... Moi, tous les grands films qui m'ont vraiment impressionné, marqué, et qui sont mes sources d'inspiration, c'est à chaque fois un cinéaste et un compositeur. Hein. Sergio Leone, Ennio Morricone, Fellini, Nino Rota, Orson Welles, Bernard Herrmann, Hitchcock, Bernard Herrmann, David Lynch, Badalamenti. Enfin bon, à chaque fois, c'est des couples. Hein. Et y a, j'irai même encore plus loin... Je trouve que moi le pas supplémentaire que j'adore faire, c'est je prends comme exemple à chaque fois le Sergio Leone, c'est que dans le Sergio Leone, je me rappelle forcément de la mélodie de l'harmonica, etc. Hein, mais je me rappelle aussi de vraiment ce qu'est la bande son, toute la séquence d'intro avec l'éolienne qui grince, les gouttes d'eau, la mouche dans le canon de revolver et tout ça. C'est ça du cinéma, moi, c'est ce rapport entre l'image et le son qui, au bout d'un moment, c'est tellement intriqué que je veux pas dire ah oh ben non, c'est la musique qui est bien ou c'est l'image qui est bien, c'est tout. On va avancer, Marc Caro, un peu justement dans votre carrière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la suite, c'est qu'après ce court-métrage, vous allez passer au long. Mais en fait, les écritures se passent dans le désordre par rapport à l'ordre de sortie. C'est-à-dire que vous commencez par écrire La Cité des Enfants Perdus avec Jean-Pierre Jeunet. Mmh. Et puis un scénario qui n'aboutira pas, qui a été publié d'ailleurs, oui. 110 en dessous de zéro. Mmh. Oui, ben, on était un peu... un peu naïf sûrement... Après, oui, on a eu un peu de succès avec le Bunker. Donc, on a écrit le sujet qu'on avait envie d'écrire, quoi, un conte, tout ça. Et puis, on n'a pas trouvé le financement. C'est vrai qu'ils ont dû avoir appliqué les petits jeunes, là, ils demandaient ce que c'était. Donc, personne nous a fait confiance, quoi. Et puis, qu'un seul âme tienne, on en a réécrit un autre. Là, on a trouvé un producteur, même fait... tout le storyboard sur ordinateur, enfin bon, une autre expérience. Bon, on n'a pas trouvé le financement non plus. Et puis après, on était un tout petit peu plus malin avec Jean-Pierre. On a écrit un petit traitement d'une 20-30 pages pour aller convaincre un producteur de... Et donc, c'était Delicatessen. Et là, on a eu l'immense chance de rencontrer Claudio Sarr, qui a cru dans le projet et qui s'est battu, elle, vraiment... Ça a été long hein, quand même, c'était quand même pas simple, mais voilà, on a réussi à le faire. Et donc après, avec le succès de Delicatessen, qui s'est surtout Ce qui a le plus surpris UGC, c'est que ça s'est vendu comme des petits pains dans 40 pays, un truc comme ça. Ils n'avaient jamais vu ça. Et donc, pour un film français en plus, tu vois, en français et tout. Et donc, on en a profité pour ressortir le sujet qui nous tenait à cœur, qui était à la Cité. Mais UGC, ils y sont pas allés. C'était trop cher, trop prendre trop de risques. Mais par contre, on a eu FR3, on a eu Canal, le studio Canal et tout ça qui nous a suivis. Bon, le succès de Delicatessen a vraiment permis qu'on le fasse, quoi. C'est intéressant cet imaginaire qui est un imaginaire très fort, très puissant. On parlait beaucoup au cours de ce festival de la question de l'imaginaire fantastique français. Il est indiscutable que dans les années 90, vos collaborations avec Jean-Pierre Jeunet ont marqué un imaginaire français. Un merveilleux sombre, et c'est intéressant parce que en fait c'est presque, vous me direz ce que vous en pensez Marc Caro, mais une sorte de rétro post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'on sait pas très bien où on est dans le temps, on sait que ça s'est pas très bien passé, et dans tout cet imaginaire-là, depuis le bunker en fait, c'est, on est dans une sorte de passé du futur qui s'est mal passé, quelque chose comme ça. Alors, oui, depuis le début, en tout cas, des films avec acteurs, on est dans du rétrofuturisme. Hein. C'est vrai que l'autre, c'est un mix de guerre de 14, de guerre de 39-45, on sait pas, enfin, des vieux films. Un genre de passé qui est revisité, et les autres aussi. C'est vrai que c'est marrant parce que maintenant, la Cité est souvent citée comme référence steampunk. Mais à l'époque, le terme, il n'existait même pas. Donc, nous, on était dans une revisite d'ambiance, soit cinématographique, soit photographique ou littéraire, mais réappropriée, transformée, mixée. C'est vrai que Delicatessen, c'est un genre de... c'est du cinéma d'avant-guerre, c'est du Carnet, du Doisneau, tout ça, du Trauner. Hein, moi, c'était vraiment une de mes références absolues. Mais en couleur, parce que tous ces trucs-là, on le connaissait qu'en noir et blanc. Et donc, moi, j'avais fantasmé comme ça sur les robes d'Arletty, mais quelle couleur était-elle, quel imprimé, tel pull de Gabin, des choses comme ça. Donc, c'était un peu de... Voilà, de comment remoderniser tout un imaginaire, moi qui m'avais baigné, et qui s'est aussi poursuivi dans un amour d'une typologie de comédiens, de comédiens de composition, d'acteurs qui savent... c'est pas du tout réaliste, hein, c'est vraiment une... Mais en même temps, au bout d'un moment, ils sont tellement justes et crédibles que on y croit. On est aussi assez proche de la pré-science-fiction, de ce qu'on appelait le merveilleux scientifique à la fin du 19e, qui était un imaginaire scientifique mais un peu décadent, un peu horrifique, une sorte de science mais qui s'est pas très très bien passé, quoi. Oui, il y a un aspect flirte avec les monstrueux. Oui, bah alors ça, il y a le côté, moi j'ai une grande passion pour Todd Browning, hein, pour Freaks, pour tout un cinéma comme ça aussi expressionniste, et les acteurs aussi avec des gueules, avec des choses comme ça, Lon Chaney et compagnie. Donc il y a une filiation effective. Le côté feuilleton, effectivement, est assez important aussi, parce que j'ai été élevé aussi à ça, à la télévision et tout ça. Hein, il y avait ce côté Belphégor. Voilà, tu vois, il y a une filiation directe avec Gustave Lerouge, Gaston Leroux, etc. L'île aux 30 cercueils, enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, et la vieille science-fiction. Jean-René Henné, enfin, on est souvent fait de ce qui nous a nourri, hein. Après c'est digéré. J'espère que, même si on le ressent, et puis moi je me suis jamais caché des hommages que j'ai pu faire dans mes films, mais j'espère que c'est plus du domaine quand même de l'alchimie, on prend quelque chose et puis on essaye de le transmuter en autre chose pour lui rajouter une certaine modernité, une actualité aussi, parce qu'on n'a pas le même esprit. Moi, j'ai pas l'esprit de quelqu'un qui a écrit au 19e siècle, hein. Donc, c'est tout ça, c'est remodernisé, c'est repris aussi par tout le côté métallurlanesque, hein. Il y avait un côté comme ça aussi. C'est ça qui fait le principe même de la vie, de la création artistique, c'est ces mélanges qui sont faits et qui régénèrent autre chose. Jean-Pierre Jeunet va partir faire Alien 4. Vous avez travaillé avec lui sur Alien 4. Comment est-ce qu'on se saisit quand on a l'imaginaire qui est le vôtre, tout ce dont vous venez de nous parler, d'un monument, d'un univers qui est à la aussi marquant dans l'imaginaire collectif de la science-fiction? Alors, moi, je ne me suis pas approprié grand-chose sur ce projet-là. Jean-Pierre, donc, on lui a proposé ce projet, et il m'a appelé à un moment pour lui filer un coup de main là-dessus. Donc, je lui ai dit, bah, super, je peux faire la créature. Ah non, c'était déjà pris en main par les gens qui faisaient des animatroniques, tout ça. Ah bon, bah alors les vaisseaux spatiaux. Ah bah non, là, il y a un Anglais qui s'en occupe et tout ça. Donc j'ai dit, bah, qu'est-ce que tu veux que, en quoi je puisse t'aider? Et donc, c'était les costumes. J'ai été lui filer un petit coup de main sur les costumes. À vrai dire, je trouve qu'il n'y a que celui de Dominique Pinon, là, tu vois. Qui est, son fauteuil roulant. Voilà, son fauteuil roulant, les trucs à rayures, tout ça. Enfin, il y a des petits bouts comme ça. Avec le fusil à pompe dans la, avec le fusil à pompe. Tous ces trucs-là, bon, voilà, c'était un peu. Ce que j'ai pu, ce qui reste un peu des travaux que j'ai pu faire là-dessus, mais moi j'étais même pas sur le tournage, hein. J'étais vraiment, j'ai été lui filer un coup de main en préparation là au début, quoi. Mais voilà, mais c'est une licence qui est super intéressante quand même. Alien, c'est que c'est là ils font confiance aux auteurs, et pour eux c'est un plus. C'est assez rare, hein. Souvent, faut se formater à la licence. Là, ils attendent des différents réalisateurs. Tu regardes chaque version Alien, celle de Ridley Scott, de Cameron, de Fincher et de Jean-Pierre. Chacune est vraiment le reflet du réalisateur et chacun a amené sa patte. Je pense que pour Jean-Pierre, c'est une très très belle expérience, hein, bien sûr. Vous avez, avant de, on va parler de Dante 01 dans peu de temps, mais avant ça, vous avez développé un projet solo qui n'a jamais vu le jour. Oui. Le Snark, c'était quoi? De quoi il s'agit? Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Que c'était d'abord? Alors, le Snark, c'est l'adaptation d'un poème, enfin une histoire écrite par Lewis Carroll, où c'est un équipage un peu zarbi, comme ça, qui part à la chasse au Snark, une bestiole... quantique. Alors c'est moi qui l'avais emmené dans ce sens-là. Et voilà, et donc moi j'avais un peu transposé ça dans un univers d'androïdes. Ça, j'ai bossé beaucoup de temps là-dessus. J'ai une pile comme ça de versions de script et de magnifiques dessins faits par des gens avec qui j'ai participé, Fred Blanchard, Olivier Vatine, enfin plein de... machin. Mais à la fin, j'ai pas trouvé le financement. Il faut, pour vous retrouver sur grand écran, attendre 2008 sur un projet 100% science-fiction dans Dante 01. On écoute un extrait. Tout a commencé dans le feu primordial, le feu de l'enfer, comme dans la gueule du dragon. Comme dans un conte. Et si les contes ont quelque chose à nous apprendre, ce n'est pas que les dragons existent, mais qu'ils peuvent être vaincus. Dante 01, comment ça se passe ce projet? Parce que là, pour le coup, vous travaillez avec Pierre Bordage. Comment est-ce que ce projet s'est construit? Est-ce que comment vous l'avez bâti? Ça part d'où, en fait, Marc Caro? Alors, il y avait cette envie de faire un film de science-fiction. Mais j'avais d'abord écrit un autre film qui s'appelait Mantasme, où un personnage seul dans un vaisseau spatial qui se réveille. Voilà. Et donc, j'étais avec un producteur, là, des squads, et il n'a pas réussi à trouver le financement de ce projet-là. Et donc, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un truc un peu à la Bunker. Je prends un nombre restreint de personnages, un décor réduit, dadada. J'en ai parlé et au producteur et à Pierre, et voilà, on est parti sur... Dante 01. Voilà. C'est pas rien de tenter de faire de la science-fiction, puisqu'on en parlait, de faire de la science-fiction intergalactique en France. Ça a été très compliqué. C'est un soupir qui en dit long, à Marc Caro. Non, c'était. Moi, j'ai besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être. Au bout d'un moment, ça devient obsessionnel. Je me sens plus mal de pas le faire que de le faire, même si c'est très compliqué à faire. Voilà. Donc, forcément, on n'a pas eu assez d'argent pour faire le projet initial. C'est quoi le budget de Temps Zéro ? Je crois que c'était la moitié de ce que vous avez dit. J'avais trouvé 8 millions, voilà, vous m'avez dit c'était la moitié. C'est beaucoup, ouais, c'est la moitié. Je pense qu'on a peut-être un peu dépassé, vous m'avez dit qu'on avait dépassé de 600 000 ou un truc comme ça. Bon, ben 4 millions ou 5 millions pour un budget de science-fiction, c'est rien du tout. C'est un tout petit budget. Bah oui, oui, mais bon. Mais en même temps, je comprends le public. Le public, lui qui voit Star Wars ou qui voit mon film, il paye la même chose, hein. Mais voilà, bon, j'ai un peu retravaillé avec les gens que j'aime bien, avec Bettenfeld, avec François-Gilles Lazaro, avec Dominique Pinon, etc. Et puis, j'ai pu rencontrer Lambert Wilson, qui est vraiment quelqu'un de formidable, qui est un acteur qui est vraiment génial. Hein, donc, et puis, cette actrice roumaine, là, qui était vraiment super. Juste une question tout de même, Marc Caro, à propos de Dante 01. Aujourd'hui, si vous deviez repartir de zéro, si vous aviez les mains libres, est-ce que vous feriez le même film ? Qu'est-ce qui vous a manqué, en fait, pour aller au bout de ce que vous aviez en tête ? Du financement, hein, c'était... Et puis, je serais reparti, j'aurais réécrit le scénario, un peu. Il y avait deux, trois trucs. On est parti un peu... À un moment, voilà, ça s'est décidé, il fallait y aller. Je savais que j'avais pas... ce qu'il fallait, mais à un moment, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné, à un moment, on saute, on se dit, on est peut-être un peu trop optimiste, mais je regrette pas, il y a des séquences que je suis super content, je trouve que j'ai pas fait exactement l'histoire que j'avais envie de faire, c'est tout, mais faute de moyens, faute de... Peut-être trop d'optimisme de ma part, en me disant, bon, on va s'en sortir, voilà, mais pour un moment, il faut que... C'est un miracle, hein. Moi, je suis quand même super content de l'avoir fait. En plus, je pense que quand même, visuellement, c'est pas si dégueu que ça. Fallait le faire avec ce qu'on avait. Hein. Quels sont vos projets aujourd'hui, Marc Caro ? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de 110 en dessous de zéro qui a été publié. Il y a l'envie d'aller le mener jusqu'au bout, ce projet, ou aujourd'hui, c'est trop tard ? Oh, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Et en plus, il y avait un truc qui était assez rigolo avec ce projet-là, c'est qu'il y a toute une séquence qu'on avait récupérée pour mettre dans Delicatessen. Donc, faudrait réécrire et tout ça. Bon, le problème, c'est que je sais pas si c'est un film qu'on financerait. À un moment, c'est un film un peu compliqué. Il y a du décor, il y a des choses pour le faire bien. Donc, voilà. Moi, je m'oriente plus. Là, j'ai travaillé pendant aussi encore quelques années sur un projet d'après une nouvelle de inachevé de Kafka qui s'appelle Le Terrier, et j'ai eu le soutien du CNC, hein, et j'ai eu l'aide à l'écriture, j'ai même eu une aide pour faire un pilote et tout ça. Un pilote, ça veut dire que ce serait pour une série ? Non, c'est vraiment un petit pilote court de long métrage. Là, c'était pour des films en relief. D'accord. Et donc, pour un peu convaincre les producteurs d'y aller, tout ça, on faisait un petit film. Voilà, il donnait un peu un financement pour travailler avec des boîtes d'effets spéciaux. Là, c'était la Buff Company, avec qui je travaille assez souvent. Et donc, on a fait un petit pilote. Donc, tout le monde a un peu épaté par tout ça. Mais en même temps, après, ça trouve pas de financement, quoi. Parce que c'est trop... ils savent plus vendre les trucs qui sont trop atypiques, ça passera pas à 20h30, hein, comme on disait, et après, voilà, ça, c'est difficile de trouver des espaces d'un peu de liberté, donc là, moi, je m'oriente un peu sur des choses plus avec les casques virtuels et des choses comme ça. Marc Caro, est-ce que vous pensez aujourd'hui que, compte tenu de la modification et du bouleversement des méthodes de production et de diffusion, notamment via les plateformes de streaming, qu'il y a de nouveaux espaces qui s'ouvrent justement pour une SF française, ou est-ce que c'est quand même assez bouché à votre avis ? Je peux pas vous dire. Vraiment, on va voir. Là, moi, j'ai un ou deux petits trucs. Je vais aller essayer de taper à ces portes-là. On va voir ce qu'ils vont dire. Tant que c'est pas complètement phagocyté par les gens du marketing, il y a peut-être encore des petites opportunités, quoi. Mais Moi, je suis pas contre l'outil marketing, mais il faut qu'il soit au service de ce qu'on a à vendre. Faut pas que ça soit l'inverse. Là, ils savent plus vendre, mais pas que pour moi, hein, pour plein de choses. Si ça rentre pas dans la petite boîte, dans le conduit qu'ils ont marketing, ils savent plus quoi en faire. Il y a plein de films, les mecs, ils savent, ça se plante parce que ils savent pas comment le vendre, ils savent pas à qui le vendre. On est allé aussi dans un truc qui me semble un peu une aberration. Moi, je fais pas un film pour les gens de 12 à 13 ans ou de 60 à 65 ans. Je fais un film, j'espère, le plus intemporel, le plus universel. Même souvent, plus on parle de trucs très très intimes, plus on atteint une genre d'universalité comme ça. Donc moi j'essaye, vraiment, moi je suis un Tintin, quoi. C'est genre de 7 à 77 ans. Et c'est ça que j'ai remarqué... quand on nous a fait une genre de petite rétrospective au Festival Lumière, là, à Lyon, le public, il était des mômes, des vieux, enfin, un public populaire et large, quoi. C'est ça qui... on essaye toujours de faire le film qu'on a envie de voir. Dernière question pour conclure, Marc Caro, si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui aux jeunes créateurs, qu'ils soient réalisateurs, scénaristes de l'imaginaire, aujourd'hui en France, en 2020, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, je l'ai déjà dit là dans un... c'est un des trucs qui m'est revenu le plus, tout le monde l'avait vu ce truc-là, c'est un truc qu'on avait fait avec Jean-Pierre à pour Brut, c'est le genre de truc sur Internet là, et maintenant, on a des outils... Ou chez soi, on peut vraiment faire des films vraiment pour pas cher, quoi. Donc, on apprend des films en faisant. Hein. Donc là, vous avez tous les outils pour, même avec votre téléphone portable et tout ça, pour faire des films. Donc, faites vos films. Et puis, de toute façon, le financement ne prendra pas de risque. Ils vont jamais miser... Moi, je me suis épuisé pendant des années pour trouver des gens qui vont vous financer. Et s'ils vous financent, ils le feront avec des tarifs tellement bas et que vaut peut-être mieux se prendre en charge soi-même. Moi, je leur dirais, produisez-vous vous-même. Faut se prendre en charge, faut être autonome. Plus on est autonome, plus on peut... Après, il y a des circuits de distribution, il y a de plus en plus et de festivals et de plateformes et de ceci et de cela. Voilà, on peut être vu. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde aussi, il y a beaucoup de films qui sortent. Et après, il y a un passage qui est différent, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez vivre de ça ? C'est un métier ou c'est... vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, hein ? C'est, ou vous voulez juste faire des films ? Eh bien, faites-les. Retour à la bricole, quoi, à la maison. Bah, les films dans le garage. Oui, bah là, avant la cité, là, je vais passer un petit court-métrage que Jean-Pierre Jeunet m'a fait l'amitié de produire, avec un peu de fonds de soutien. J'ai fait, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde au générique. Bon, il y a les gens qu'il faut, et c'est fait, tu vois, c'est de l'argent du CNC, tout ça, donc tout est clean, mais c'est quand même de la bricole à la maison, hein, c'est un home movie. C'est en plus chez moi, donc enfin c'était chez moi. Merci beaucoup Marc Caro. Ben, c'est moi qui vous remercie et continuez la méthode scientifique. C'était Marc Caro, un entretien enregistré au 27e festival du film fantastique de Gérard May. Et je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement toutes les équipes du Public System pour leur accueil et la qualité du festival dont France Culture était partenaire cette année. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Céline Lozen, Noémie Agathe-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. La semaine prochaine, dans le labo de la méthode scientifique, dyslexie, dysorthographie, les troubles 10. Ce sera notre thème de lundi. Mardi, opération Armageddon, comment la Terre s'apprête à tenter de détruire un astéroïde dans l'espace. Mercredi, nous nous intéresserons à la nouvelle chaire sciences et jeux vidéo de l'école polytechnique. Jeudi, nous reviendrons sur la première expédition océanographique de l'histoire HMS Challenger. Et vendredi, consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain à 16h, vous retrouverez le camarade Étienne Klein. Nous, on se retrouve lundi, 16h, jusqu'à preuve du contraire.